Bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Fadjet. La Dream Team du groupe solidaire actif de l'association Aurélia vous a encore concocté une émission spéciale vacances à moindre coût et vous verrez très sympa. Ils ont travaillé dur nos chroniqueurs. Alors je vous les présente sans attendre. David, Lucie la petite nouvelle, Alain, Nicolas, Damien et Patrick. Allez, sans plus attendre, nous démarrons cette émission avec la chronique de Patrick. Alors Patrick, je crois que ta chronique concerne les sorties sur Nancy pour les gens qui ne partent pas forcément cet été. Alors certains ne peuvent pas partir en vacances, alors j'ai pensé à tous ceux qui restent à Nancy cet été. En raison de l'épidémie du Covid-19, de nombreuses manifestations dans toute la région ont été annulées cet été. Je vous ai trouvé de bonnes idées de sorties et de balades sur l'agglomération de Nancy. Je vais vous parler tout d'abord du Pass Lorraine. C'est une carte gratuite pour découvrir la Lorraine au travers de 160 belles sorties et de visites. De quoi déjà faire de belles journées. Pour obtenir, c'est simple. Il faut demander votre carte en remplissant le formulaire sur le site touriste-lorraine.fr. Une fois que le document est bien complété et transmis, vous recevrez dans 15 jours votre carte directement dans votre boîte aux lettres. À vous les bonnes affaires de réduction jusqu'à 80% parfois. Par ailleurs, si vous êtes allocataire du RSA et avec votre attestation CAF, au cours du mois, tous les musées de Nancy de l'agglomération sont gratuits. Alors n'hésitez pas pour découvrir ou redécouvrir, les expositions changeront souvent. J'ai également trouvé quelques bons plans de sortie cet été. La visite guidée du château de Fléville, ouvert tous les jours, sauf le lundi de 14h à 19h, jusqu'au 30 août. Pour la réservation, téléphonez au 03 83 25 64 71. Ensuite, des soirées dansantes à la pépinière jusqu'au 30 août. L'entrée est gratuite. Venez vous amuser sur la piste de danse. Il y aura toute danse, vous pouvez découvrir sur le site. L'ambiance est géniale. Toutes les soirées aussi à Nancy sera diffusée sur la place Stanislas, un grand diaporama intitulé La couleur nocturne. Ceci à partir de 22h jusqu'au 5 septembre. Celles-ci qui auront vu seront enchantées. Enfin, pour les animateurs de livres, rendez-vous au livre sur la place du 11 au 20 septembre. Pas de chapiteaux sur la place Carrière cette année en raison du Covid-19, mais de multiples endroits, parcs libraires, musées, etc., qui verront sur 10 jours plus de 160 auteurs. À ne pas manquer. Prenez soin de vous et bonnes vacances à Nancy. Merci Patrick pour cette chronique bien sympathique qui nous permet de faire des sorties bien sympas. Bonjour David, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Bonjour Sandrine, je vais vous parler des bons plans camping. Partir en vacances nécessite un budget. À cet effet, je vous ai trouvé une solution très économique dans le Grand Est, dont le camping est le plus souvent la solution la moins chère. Savez-vous où se trouve le camping le moins cher de France ? Eh bien, il se trouve dans notre région Grand Est, en Haute-Saône, dans le petit village de Mélisée, à 139 km de Nancy et au pied des Vosges. C'est une belle histoire d'ailleurs. C'est Isabelle et Gégé qui ont créé ce camping en 2006. Il était ouvrier à Peugeot, à Montbéliard, et avec le coup de main de quelques copains, il a monté ce projet en partant du principe que tout le monde avait le droit de partir en vacances. Le camping est devenu célèbre grâce au passage du Tour de France en 2017. Tous les médias en ont parlé et Isa et Gégé sont devenus de vraies vedettes. Malgré des soucis de santé qui ne lui permettaient plus de poursuivre cette activité, il a pu repasser le flambeau l'année dernière à un couple de campeurs qui ne voulaient pas que ce camping ferme. Aujourd'hui, c'est Micheline qui a succédé à Gégé et le camping a été rebaptisé le camping du cœur et de l'amitié. Les tarifs sont imbattables, 6 euros la nuit par adulte, tente ou caravane compris, et gratuit aux enfants jusqu'à 16 ans. Il y a tout le confort sanitaire nécessaire et beaucoup d'activités organisées entre campeurs et de belles balades à faire dans la région autour du plateau des Mille Étangs. Pour les joindre, contactez-les au 06 06 75 69 45, je répète 06 06 75 69 45, ou retrouvez-les aussi sur Facebook Camping du cœur et de l'amitié, tout attaché. Merci David. Je laisse le micro à notre petite nouvelle, Lucie. Tu vas nous parler de quoi de beau aujourd'hui, s'il te plaît ? Bonjour Sandrine. Alors, pour ma part, j'ai cherché les solutions de transport les moins chères avec quelques très bons plans. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez partir pas très loin de Nancy, et ça fait quand même toujours du bien de se retrouver hors des murs, les solutions les plus simples sont de demander à une amie ou un ami ou un parent qui a une voiture de vous y amener à l'aller et au retour. C'est un bon geste solidaire et bien sûr, vous lui payerez le coût de l'essence avec un petit cadeau de remerciement. C'est une solution économique. Ensuite, pour ceux et celles qui ont envie de partir en vacances de manière un peu sportive, en restant à Nancy ou proche de Nancy, vous pouvez aussi aller à pied sous forme de randonnée. Vous avez également la solution de vacances en vélo. Vous pouvez partir près des campings près de Nancy, mais également au camping de Bayon, de Tournoy, au lac de Madine et même beaucoup plus loin pour des vacances itinérantes sur la Lorraine par les chemins de Halage, des Canaux. Vous pouvez même rejoindre Paris, la Belgique, les Pays-Bas ou le sud de la France. Vous trouverez tous les renseignements au Bureau des voies navigables de France sur le port Sainte-Catherine à Nancy. Il existe aussi de nombreuses cartes sur Internet sur le site vnf.fr. Pour les moins sportifs qui restent dans la région ou le Grand Est, il y a les bus Transdev Grand Est dont vous pouvez contacter l'agence de Nancy à la gare. Pour les autres départements, vous trouverez les informations sur Fluo Grand Est. Et ainsi trouver les lignes départementales. Merci Lucie, c'était vraiment très intéressant. Salut Alain. Alors, pour cette émission, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme bon plan, s'il te plaît ? Bonjour Sandrine. Comme bon plan, aujourd'hui, j'ai trouvé le crème solaire pas trop cher à faire soi-même. Une huile de protection solaire indice 25. C'est déjà un indicateur, une protection, mais qui ne convient pas aux enfants, indice 50 minimum. Pour la réaliser, c'est simple. Les ingrédients sont les suivants. 12 centilitres d'huile d'olive, 6 centilitres d'huile de coco, 15 g de cire d'abeille, 2 cuillères à soupe d'oxyde de zinc, 4 gouttes d'extrait de vanille pour parfumer. Dans un premier temps, préparez un bocal en verre d'environ 50 centilitres. Mélangez tous les ingrédients sauf l'oxyde de zinc. Faire chauffer au bain-marie à feu moyen. Au fur et à mesure que l'eau chauffe, les ingrédients commencent à fondre. Une fois que tous les ingrédients ont fondu, ajoutez l'oxyde de zinc et mélangez. Versez le mélange obtenu dans votre récipient. Vous pouvez trouver l'oxyde de zinc en pharmacie et en parapharmacie, pour quelques supermarchés. Concernant la cire d'abeille, n'achetez pas celle-ci pour les toits et meubles. Il s'agit de petits pots que l'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie, mais aussi en grande surface au rayon hygiène et cosmétique. Je vous rappelle que les heures pour bronzer sont avant midi et après 16h30. Bon bronzage et bonnes vacances à tous. Merci Alain pour tous ces tuyaux. C'est maintenant l'heure d'une petite pause musicale pour séparer les chroniques. Donc nous vous laissons avec une pause vacances, j'oublie tout. Ça va très bien avec notre émission, n'est-ce pas ? Écoutez, écoutez, c'est l'été sur Fadjet. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Je regarde dans le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec vision futée. Je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. J'm'envoie en l'air, besoin de penser. On ne peut pas résister, restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champée whisky. Ambiance folie toute la nuit. C'est super folie légère. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air. Ça c'est super folie légère. C'est fou. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air. Ça c'est super folie légère. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air. Ça c'est super folie légère. C'est fou. Nous reprenons donc le cours de notre émission après cette pause musicale bien sympathique. Et je laisse donc la parole à Nicolas. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sandrine. Je crois que tu vas nous parler de bons plans pour visiter des coins de France ou du monde de manière différente, c'est ça ? C'est ça, je vais donc vous parler d'une manière de voyager et partir en vacances différemment et gratuitement ou à moindre coût. Cela s'appelle le woofing. C'est un concept de voyage qui permet de partir à la découverte d'une nouvelle région de France ou d'un nouveau pays à moindre coût. C'est une façon de voyager écologique et solidaire qui met en lien des propriétaires de fermes biologiques et des touristes prêts à donner un coup de main tout en ayant du temps pour découvrir le pays. Le principe est simple. Le woofer travaille bénévolement environ 25 heures semaine. En échange, il est nourri et logé par ses hôtes durant toute la durée de son séjour. Pour vous renseigner, site internet woofing www.woofing. 132 pays font aujourd'hui partie du réseau. Merci Nicolas. David, nous nous retrouvons encore une deuxième fois. Je crois que tu as une belle histoire encore à nous raconter. Oui Sandrine, une autre belle histoire. Mes recherches pour cette émission m'ont également fait découvrir une autre belle histoire de camping, et cette fois-ci proche de Nancy. À 44 km de Nancy, se trouve un camping associatif. À Mondre, aux quatre tours, à environ 6 km du lac de Madine. C'est Denis, le maire du village qui, dans les années 80, développe les premières initiatives d'aide à domicile et de développement local en créant sous forme associative un camping et une épicerie solidaire dans le village. pour permettre aux familles du village et les environs de prendre eux aussi des vacances et de se ravitailler en alimentation. Il s'agit du camping municipal de Loré de la forêt de la Reine, qui est géré par des bénévoles qui se relaient d'avril à octobre et permettent de faire des heureux chaque année, et son succès attire même les touristes étrangers de passage dans la région. Un camping familial, souvent participatif, qui a tout le confort nécessaire, sanitaire, électricité, wifi, avec parcours de santé, balade en forêt de la Reine, tennis, et tout cela est gratuit, ainsi qu'un étang de pêche à 5 euros la journée. Pour réserver, vous pouvez soit appeler la mairie au 03 83 20 13 85, je répète, 03 83 20 13 85, ou vous venez, vous vous installez, et quand le gérant bénévole revient, vous ferez avec lui votre inscription. Les tarifs par nuit sont aussi solidaires, puisque les tarifs sont de 2 euros pour les enfants de moins de 10 ans, 4 euros pour les adultes, 2,50 euros la tente, soit pour un couple et deux enfants, un coût de 14,50 euros par jour et 6,50 euros pour une personne, seule tout compris. Impossible de trouver moins cher. Je vous rappelle, camping de Loré et de la forêt de la Reine, à Mandre, aux 4 tours. Le tester, c'est l'adopter. Bonnes vacances à tous. Merci David. Et c'est maintenant le tour de Damien. Salut Damien. Bonjour Sandrine, bonjour les auditeurs. Je crois que tu vas nous parler de camping, si je ne me trompe pas. Effectivement, je vais vous donner 5 conseils pour voyager en camping moins cher, et ainsi que le matériel essentiel pour partir camper. Alors, vous cherchez des vacances pas chères en bord de mer, à la montagne ou à la campagne ? Pourquoi ne pas opter pour un séjour fixe ou itinérant dans les campings en Lorraine et dans toute la France ? En étudiant bien les prix, vous verrez que les tarifs sont abordables et vous aurez le choix entre plusieurs types d'hébergements très originaux, comme des yourtes, des tipis, des bulles, des cabanes dans les arbres. Voici 5 de mes conseils pour préparer des vacances à petit prix. Profitez des ventes flash, car il y a toujours des offres à prix cassé sur les sites de camping sur Internet. Envisagez les offres dernière minute. Sur des sites spécialisés dans ce domaine, il y a toujours des tarifs plus avantageux. Réservez tôt en early booking pour avoir un choix plus large et de meilleure disponibilité. Partir en groupe permet de partager les frais d'hébergement, de transport et de s'offrir des petits plaisirs. Et partir hors saison permet de bénéficier de vacances plus calmes à des prix très attractifs. Et pour le matériel de camping, une tente, un tapis de sol, sac de couchage, vêtements adéquats, trousse de toilette, la popote du randonneur pour cuisiner, une trousse de secours avec les numéros de téléphone de secours, sac à dos et chaussures de rando pour faire des balades. Et d'ailleurs Sandrine, je peux te permettre de me dire que je me suis équipé complet pour partir 20 jours dans le Jura. Le coût total de ces achats me sont revenus à moins de 100 euros. Et j'en aurai pour plusieurs années, bien sûr en prenant soin de mon matériel. Et enfin, n'oubliez surtout pas de vous rendre à l'accueil du camping pour bénéficier de plans, des environs de sortie, de balade et des animations du camping lors de votre séjour. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonnes vacances à tous. Bonnes vacances Damien, merci, merci. Je crois que tu as une deuxième chronique à nous présenter, Nicolas, c'est ça ? Oui, Sandrine, c'est ça. Il existe une autre solution pour profiter de beaux endroits et de vacances tout en rendant service, le home-sitting. Il s'agit du gardiennage de maisons ou d'appartements. Les gardiens de vacances doivent effectuer quelques tâches définies au préalable avec les propriétaires, relever le courrier, arroser le potager, sortir le chien, petits travaux divers, surveillance. En contrepartie, les home-sitters bénéficient donc de l'hébergement gratuit, les hôtes peuvent partir en l'esprit tranquille sans crainte d'un cambriolage. Pour vous renseigner, vous trouverez des sites internet. Partir tranquille, Illidor, Nomador, Maison Bleu Citron. Merci Nicolas pour ta participation. Sinon, tu vas faire quoi de beau pendant ces vacances ? Normalement, je partirai en vacances cet été. Merci Patrick pour ta participation à cette émission. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de beau pendant tes vacances ? Alors, pendant mes vacances, je vais partir quelques jours avec ma compagne sous des gîtes. Très bien, super, tu nous raconteras ça. Donc, au mois prochain. Merci, Patrick. Merci, à bientôt. Au revoir, tout le monde. Merci Lucie de ta participation pour cette première, génial. Et toi, tu vas faire quoi de beau pendant ces vacances ? Merci Sandrine, merci à tous. Alors moi, je vais partir en vacances avec des amis. Merci de ta participation Alain, c'était sympa. Alors toi, sinon, tu vas faire quoi pendant tes vacances ? Je vais me promener sur une lancée, des endroits que je n'ai encore pas été, me faire des bonnes bouffes et penser à vous. Ah, super. Merci Damien pour ta participation à cette nouvelle émission. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau pendant ces vacances alors ? Alors moi, grâce à l'association Arelia, j'ai la chance de pouvoir participer à un trek de 15 jours, du 4 au 24 août, pour partir justement dans le Jura. Donc on va faire ce qu'on appelle l'échappée jurassienne. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de beau pendant ces vacances, David ? Merci Sandrine, ces vacances je travaille, j'ai trouvé un emploi. Ah ben on est très content pour toi. Merci et au mois prochain. Merci Sandrine, salut à tous. Et ben vous savez quoi ? C'est déjà la fin de l'émission. Que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Mais avant de partir, nous vous rappelons la prudence qui est de mise avec le Covid-19 et en appliquant bien la fameuse règle des 3M que l'on connaît à présent par cœur à la Dream Team et que l'on applique tous les jours. Le premier M, le maître, le masque et les mains que se lavent régulièrement. Maintenant, appliquez toutes et tous, petits et grands, bien cette consigne et vous pourrez partir tranquille. Nous aussi, la Dream Team, on va prendre quelques vacances bien méritées. Merci à David, Lucie, la petite nouvelle, Alain, Nicolas, Damien et Patrick pour leur participation bien fructueuse. Toute la Dream Team vous souhaite de très bonnes vacances et nous nous retrouvons en septembre avec une émission spéciale rentrée. Allez, encore bonnes vacances à toutes et à tous et à vous les auditrices et les auditeurs de Fadjet. Même loin de Nancy, restez bien sur Fadjet via le site internet pour écouter votre radio préférée en direct ou en podcast. Et maintenant, place à la suite de nos programmes. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao, ciao, ciao.